Le 7-9 sur France Inter. François Morel, c'est à vous. Il est en ce moment un phénomène unique, un miracle inouï, un exploit fantastique. Un théâtre privé à Paris se remplit grâce à un homme seul et à la poésie. Pas de porte qui claque, pas de mari cocu, pas de femme légère, pas de souffleur non plus. Il n'y a pas de placard, il n'y a donc pas d'amant. La scène est sans décor, le verbe suffisant pour créer à lui seul mille et un paysages. La mer et ses rouleaux, le ciel et ses nuages, les merveilleux nuages vaporeux, irréels. Les costumes ne sont pas signés Donald Cardwell. L'acteur n'a que les mots pour habiller les anges qui vont autour de lui dans ce théâtre étrange. On écoute Rimbaud et Labiche et Flaubert, Céline en Amérique et à Paris Molière. On entend Baudelaire et parfois Roland Barthes. Les décors ne sont pas signés par Roger Hart. Il est en ce moment un fait prodigieux. La rue des Mathurins connaît des jours heureux. De province et Paris, la foule vient en nombre pour venir assister dans la douce pénombre au mariage subtil du verbe et de l'esprit, de la pensée qui court et du mot bien choisi. Ceux qui n'ont pas de place doivent patienter pendant des jours, des mois, des saisons, des années. En juin 2023, il reste un strapontin en haut du paradis, rangée X, place 20. C'est derrière un pilier sans visibilité. Je veux dès aujourd'hui déjà le réserver. Roger, habille-toi, on part au Mathurin. Pascot, Elio, Tesson, tout le monde en dit du bien. Tu sais, c'est cet acteur qui imite Johnny chez Ruquier, chez Drucker, Fabrice Lucchini. Ça doit être rigolo. C'est quoi au juste le pitch? J'en sais rien. C'est un gars qui dit du Friedrich Nietzsche. Il est en ce moment un succès fantastique dans le cœur de Paris, enflammant le public. Un acteur seul en scène tient salon littéraire, élitaire pour tous, pour chacun populaire. Il fait ce qui lui plaît, dit du Paul Valéry, puis récite en verlan, une fable choisie. Pendant un récital consacré à Jouvet, un soir, je fus surpris de le voir m'imiter. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Lochet, c'est pas joli comme prénom. Est-ce un clown, un bouffon, cabotin du langage? Est-ce un cœur délicat, passionné de partage? Est-ce du beau langage, un virtuose, un champion? Ou est-ce un bon client pour la télévision? Est-ce un fol histrion, un acteur de génie? Bah, c'est un peu tout ça, Fabrice Lucchini. Si vous aimez la vie et la littérature, il faut aller le voir et l'écouter, bien sûr. La veille ou l'avant-veille, ou bien le lendemain, volez, courez aussi, place Charles Dullin, ovationnez le grand, l'immense Saladin, dans un texte de Pénac, franchement, c'est vachement bien. François Morel. Oh, il est admirable, c'est admirable. Non pas que, évidemment, c'est assez valorisant, mais... Je suis sur le cul. Oui, quand même. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit, Fabrice Lucchini. Hein, pour la programmation, le théâtre des Mathurins, la rue des Mathurins, 9e, la tournée qui s'annonce. Merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. À France Inter, dans nos studios et en direct.